Allô Nicolas, c'est Maël. Un ciné ce soir, ça te dit? Ouais, bonne idée. Tu veux voir quel film? J'aimerais bien voir Une famille à louer. C'est une comédie avec Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde. C'est un acteur belge, non? Oui, c'est ça. Il est brun, grand et un peu gros, non? Ah non, Benoît Poelvoorde, il est blond et il est mince. T'es sûr? Une famille à louer. Attends, mais sur l'affiche, il est avec sa famille et il a l'air sympa. Ah non, sur l'affiche, il est avec sa famille, mais il a l'air sérieux et un peu stressé. Il est agriculteur dans ce film, non? Mais non, c'est un homme d'affaires. Tu parles d'un autre film, La famille Bélier. Eh bien, c'est un film avec Benoît Poelvoorde, non? Pas du tout. Benoît Poelvoorde ne joue pas dans La famille Bélier. C'est François Damiens. Lui aussi, il est belge. Il est brun et barbu. Il a les cheveux courts et frisés. Tu sais, dans ce film, il est agriculteur. Ah oui, bien sûr! Sa fille est blonde! Oui, l'actrice, c'est Louane Emera. Elle a les cheveux longs et les yeux bleus. Elle est très jolie et elle est chanteuse. Bon, comme tu veux, La famille Bélier ou Une famille à louer, les deux films ont l'air très bien.